La CIA n'assassinera plus de chefs d'État étrangers, c'est promis. La décision a été prise en 1975 après un grand déballage où les principaux dirigeants de la centrale américaine ont dû déposer devant une commission d'enquête parlementaire. Et à cette occasion, on en a appris de belles. Des opérations homo pour homicide, ont été perpétrées par la CIA avec l'accord des plus hautes autorités des États-Unis contre Fidel Castro, Patrice Lumumba, Ahmed Sukarno, Rafael Trujillo, Salvador Allende, Hugo Diem, François Duvalier. Et la liste n'est pas close. Certaines de ces actions clandestines ont réussi, d'autres ont échoué. Les parlementaires américains ont, semble-t-il, été choqués par ces révélations. Vrai ou faux, peu importe. Ils ont en tout cas exigé qu'à l'avenir, les agents de la CIA renoncent à ces méthodes expéditives. Ont-ils été obéis? Rien n'est moins sûr. Et si la centrale américaine a par exemple échoué à éliminer Saddam Hussein, ce n'était certainement pas par excès de vertu. Avec M. X, nous avons déjà mis en évidence la responsabilité de l'agence dans nombre de ces affaires de meurtre d'hommes politiques de premier plan. Mais cette semaine, mon interlocuteur a voulu revenir sur l'un de ces dossiers, l'assassinat en 1961 du dictateur dominicain Trujillo. Un assassinat qui sera suivi 4 ans plus tard d'un débarquement massif de Marines américains en République dominicaine. C'est dire combien la situation politique de ce petit territoire des Caraïbes intéressait particulièrement les États-Unis. Dans un instant, M. X décortique cette affaire et on révèle les secrets. Rendez-vous avec X. Oui, je sais que vous allez tout de suite me demander pourquoi je veux vous parler aujourd'hui de cette affaire dominicaine. Et surtout, par quel miracle je peux détenir des informations sur une île des Caraïbes où nous n'avons nul intérêt et qui est une ancienne colonie espagnole. Bah, si vous faites aussi les questions maintenant... De temps en temps, je précède votre curiosité. Oui, d'accord. Alors allez-y, je vous écoute. Enfin, je vous fais quand même remarquer que ce n'est pas la première fois que vous évoquez un dossier où n'étaient nullement impliqués nos services secrets ou nos diplomates. C'est vrai, mais justement là, nous avons eu à connaître de cette affaire dominicaine. C'est-à-dire nous, les services français? Exactement. Alors, racontez, là, ça commence à devenir intéressant. Bon, un petit peu de patience. Alors, un rappel d'abord. Nous en avons déjà souvent parlé. En Amérique latine, les États-Unis étaient chez eux. C'est la fameuse doctrine Monroe. Oui, et Washington n'a jamais hésité à intervenir militairement dans tel ou tel État quand ses intérêts semblaient en jeu. Surtout ses intérêts économiques. Essentiellement. Les Américains veillaient à ce que les anciennes puissances coloniales, surtout l'Espagne, ne remettent pas les pieds dans la région. Alors ça, ils se conduisaient même en colonialiste. Hein. Évidemment. Aujourd'hui, on parlerait de néo-colonialisme. Mais, c'est-à-dire, en apparence, on laisse les dirigeants autochtones gouverner. Et en fait, on contrôle étroitement l'économie de ces républiques bananières. Et si ça commence à dérailler, on envoie les marines. C'est ce qui se passe une première fois en République dominicaine en 1916. Pourquoi à l'époque? Ça faisait des dizaines d'années que cette république qui occupait la moitié de l'île de Saint-Domingue... L'autre moitié, c'était Haïti. Oui, donc ça faisait longtemps que la république était sans dessus-dessous. Aucun dirigeant n'arrive à maintenir l'ordre. C'était la guerre civile permanente. Alors, en 1916, Washington se décide à intervenir sous le prétexte que les Dominicains sont fortement endettés auprès des États-Unis, des milliers de Marines débarquent, l'armée dominicaine est démantelée, la population désarmée. C'est l'ordre américain qui règne. Et le souci principal des Américains, c'est la richesse agricole de Saint-Domingue. Ils imposent une culture unique, celle de la canne à sucre, pour le plus grand bénéfice des compagnies nord-américaines, naturellement. Il s'agit donc d'une vraie occupation. Une occupation qui va durer 8 ans. Et lorsque les États-Unis évacuent militairement la petite république, c'est qu'ils sont assurés que leurs intérêts seront préservés. Ouais. Et après cette occupation, alors? Il y a une transition démocratique pour très peu de temps, car dans l'ombre, un homme attend son heure. Ah oui. Et Trujillo? Trujillo, oui. Ouais. Qui est-ce alors ce... Un jeune mulâtre qui a eu une jeunesse mouvementée. C'est-à-dire? Il a été condamné pour vol, mais enfin ça ne l'empêche nullement de s'engager dans l'armée. Mais vous m'avez dit que les Américains avaient dissous l'armée? C'est juste, mais ils avaient autorisé la création d'une garde nationale. Et c'est au sein de cette arme, puis dans la police, que le jeune Trujillo fait carrière. Une carrière extrêmement rapide. Songez qu'au début des années 20, Rafael Trujillo n'est encore qu'un modeste sous-officier. Mmh. Moins de 10 ans plus tard, il est général de brigade et commandant suprême de l'armée. En effet, oui. Enfin, je vais vite. En 1930, le chef de l'armée dominicaine s'empare du pouvoir à l'issue d'élections présidentielles truquées. Mmh. Comment ? Bon, les militaires à la solde de Trujillo ont tout simplement bourré les urnes. Classique. Ils ont été si efficaces qu'on a retrouvé plus de bulletins de vote qu'il n'y avait d'électeurs. Et personne ne proteste. Aucun dominicain n'ose. La peur, vous comprenez ? La peur de la police secrète, la peur de l'armée. Et désormais, Trujillo va régner sans partage et il institue un régime dictatorial féroce qui lui permet peu à peu de se constituer une énorme fortune. C'est bien simple, il ne fait aucune distinction entre le trésor de l'État et sa propre bourse. Il touche à peu près sur tout. Même les fonctionnaires sont priés de lui verser 10% de leur salaire. Et comment réagissent les États-Unis hein? Avec bienveillance, du moment que Trujillo ne touche pas à leur sucrerie, laisse faire le benefactor, comme il aime se faire appeler. Le benefactor, le bienfaiteur. Oui, un bienfaiteur qui, comme tous les dictateurs, organise à son profit un véritable culte de la personnalité. Saint-Domingue, la capitale, par exemple, est rebaptisée Ciudad Trujillo. Oh, on a connu aussi Stalingrad. Vous avez raison, mais Staline n'a quand même pas osé débaptiser Moscou. Enfin, cet aspect un peu ridicule ne doit pas faire oublier l'essentiel. Trujillo règne par la terreur. Une guerre aux familles qui n'exposent pas un portrait du tyran dans leur demeure. Quant aux enfants, ils doivent dénoncer leurs parents si ceux-ci osent critiquer le bénéfacteur. On a aussi vu ça dans d'autres pays fascistes ou communistes. C'est exact. Et comme dans ces pays-là, on assiste aussi à des massacres de masse, ce qu'on appellerait aujourd'hui des crimes contre l'humanité. En 1937, Trujillo donne l'ordre de tuer 20 000 Haïtiens installés à la frontière dominicaine. Ça provoque naturellement une intense émotion en Amérique latine. Mais Trujillo s'en sort en versant quelques centaines de milliers de dollars à son voisin, le président haïtien. C'est vrai que les dollars apaisent facilement les consciences. Mais ça, au reste, pour être tout à fait honnête, il faut mettre à l'actif de Trujillo sa décision d'accueillir des juifs persécutés par Hitler. Alors que, idéologiquement, Trujillo doit plutôt se sentir proche du Führer, non ? Vraisemblablement. Mais l'idéologie de Trujillo, vous savez, c'est d'abord tout pour Trujillo et un solide anticommunisme, ce qui explique qu'il sera si longtemps soutenu par les États-Unis malgré ses innombrables exactions. Mais les Américains, en cette matière, sont remarquablement cyniques. Démocrates chez eux, ils n'ont jamais hésité à soutenir les pires régimes autoritaires. Et même à renverser les gouvernements trop progressistes. Bien entendu. Combien de temps va durer la dictature de Trujillo ? 31 ans. Et à noter que de temps en temps, pour donner le change, il fait élire un président fantoche. Son frère, par exemple, ou Balaguer, un fidèle disciple. Mais la réalité du pouvoir reste entre ses mains. Et l'argent ne cesse de venir remplir ses caisses personnelles. J'ajoute que l'un des piliers du régime est l'Église catholique qui lui est entièrement acquise. Ouais, l'autre pilier étant l'alliance avec les États-Unis. C'est cela. Ça veut dire que si les Américains cessent de le soutenir, Trujillo est fichu. C'est certain. Or, dans la deuxième moitié des années 50, l'Empire américain vacille. L'Empire américain, que se passe-t-il là ? Un certain nombre de dictateurs d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud cèdent la place. Une véritable hécatombe. Par exemple, hein ? Oh, la liste est longue. Ça commence au Brésil avec le suicide du président Vargas. Puis c'est au tour du Panama où le président est assassiné en 1955. La même année, Perón est chassé du pouvoir en Argentine. Vous voulez que je poursuive ? Bah oui, allez-y. Bah ensuite, c'est le président péruvien, général, qui est démis la même année, en 1956, le dictateur du Nicaragua. Somoza. Somoza, oui, il est assassiné. Et ça continue en Haïti, au Honduras, au Guatemala, en Colombie, au Venezuela. Partout, les dictateurs sont tués ou chassés. Et puis vers Cuba ? Oui, au début de l'année 1959, Fidel Castro entre à La Havane. Batista s'est enfui quelques jours plus tôt. Ce qui est remarquable, c'est que la plupart de ces dictateurs étaient des amis personnels de Trujillo. Ce dernier doit commencer à se sentir sérieusement menacé, non ? Bien évidemment. Ouais. Et comment expliquer ce raz-de-marée qui emporte tous ces dictateurs ? Ben, y a tout d'abord, pour parler vulgairement, le ras-le-bol. Toutes ces populations en ont assez d'être exploitées et pillées par les grandes compagnies nord-américaines. Et elles s'en prennent à ces dictateurs qui n'en sont que les marionnettes. Mais il faut aussi tenir compte de l'évolution de l'Église. L'Église qui devient révolutionnaire ? N'exagérons pas. Elle ne le deviendra, enfin, une frange, généralement celle des ecclésiastiques les plus modestes, que dans les années 60-70. Ouais, l'Église de la libération, comme on l'appelait, c'est oui, ça. Oui, enfin, déjà, l'Église se retourne contre ces dictateurs qu'elle a si longtemps soutenus. Et Trujillo assez intelligemment comprend. Et il va essayer de se servir justement de l'Église pour se sortir d'affaire. Et comment alors ? En accord avec la hiérarchie et Rome, Trujillo assigne une fonction institutionnelle à l'Église. À elle d'intervenir dans l'enseignement, l'économie et même l'armée, puisque les aumôniers sont faits officiers. Mais ce sursaut moral et religieux est trop tardif. Trujillo est condamné à terme, même s'il n'est pas décidé à se laisser faire. Au rendez-vous avec X. Quel homme était Rafael Trujillo ? Dans un article publié en mai 2001 dans Le Monde, à l'occasion du 40e anniversaire de l'assassinat du dictateur, Jean-Michel Carrois écrit ceci. Entouré de courtisans obséquieux qu'il prend plaisir à mortifier, Trujillo est l'objet d'un culte seulement comparable à celui qui entourait Staline du temps de sa splendeur. Partout, des bustes du dictateur sont érigés. Un immense panneau, Dieu et Trujillo, accueille les voyageurs au port de Saint-Domingue. Les familles, qui n'exhibent pas une grande photo du tyran dans leur salle à manger, sont suspectes. Et la suspicion est synonyme d'exil ou de mort dans ce régime qui incite les enfants à dénoncer leurs parents. Histrion, au regard glacial, Trujillo adore les costumes d'opérette. Poudré pour se blanchir la peau, parfumé à l'impérial de Guerlain, il affiche un appétit sexuel aussi démesuré que sa soif de richesse. Chaque semaine, un courtisan rétribué par une commission de 10% sur les travaux publics lui présente une trentaine de jeunes vierges parmi lesquelles le Borgia tropical fait son choix. Instrument du pouvoir, le sexe lui permet de déshonorer les familles de la bonne société dont certaines vont jusqu'à offrir leurs filles ou leurs épouses pour s'attirer les bonnes grâces du tyran. En même temps qu'il développe son entreprise de séduction de l'Église catholique, Trujillo, affolé par l'hécatombe de dictateurs dans la région, décide de renforcer encore un peu plus son régime policier. En fait, c'est surtout la chute de son voisin et ami Batista qui lui fait peur. Cuba, oui. Ouais. Mmh. Batista qui a d'ailleurs provisoirement trouvé refuge en République dominicaine. Mmh. Trujillo craint la contagion révolutionnaire. Mais il sait que Cuba représente maintenant une menace mortelle pour son régime. Les castristes n'ont en effet pas fait mystère de leurs intentions d'accueillir les exilés et les opposants dominicains. Mmh. Afin de les aider à renverser Trujillo. Bien sûr, alors le dictateur donne les pleins pouvoirs à sa police et à son armée et il proclame l'état d'urgence. Il verrouille. Ouais. Et les meilleurs connaisseurs de la République dominicaine estiment que la police secrète de Trujillo dispose en 1959 de plus de 100 000 mouchards à travers le pays. Pour une population de quelques millions d'habitants, c'est énorme. Mmh. Mais est-ce que ça suffit en fond, en RDA, même la puissante Stasi n'a pas réussi à sauver le régime. Hein. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Toutefois, Trujillo semble encore tenir les choses en main. La preuve, c'est qu'une expédition armée préparée depuis Cuba échoue en juin 59. Une expédition d'opposants ? Oui, formée et entraînée à Cuba. L'armée dominicaine les attend et l'aventure se termine par un vrai massacre. Tous les assaillants, qu'ils soient venus par la voie des airs ou qu'ils aient débarqué sur les côtes de l'île, sont tués les uns après les autres. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'aucun soulèvement populaire n'a accompagné cette expédition. Parce que les assaillants espéraient bien que leur initiative donnerait le signal de la révolution. Oui, et c'est donc l'échec. Un échec apparent, car paradoxalement, c'est à partir de là que la dictature va décliner irrémédiablement. Alors pourquoi alors ? Parce que le régime va encore se durcir, et que la répression féroce qui suit cette expédition manquée va peu à peu isoler Trujillo. C'est d'abord l'Église qui le lâche. Mais pourtant, on m'a dit que l'Église était impliquée dans le système. Jusqu'au cou, si je puis dire, mais en septembre 59, à la suite de la découverte d'un complot, vrai ou faux, dans l'armée de l'air, plus de 50 militaires sont assassinés. Et aussitôt l'Église est bien obligée de prendre ses distances avec le bénéfacteur. Publiquement ? Oui. Autre manifestation d'isolement, les autres pays d'Amérique, regroupés au sein de l'Organisation des États d'Amérique, l'OEA, condamnent ouvertement le régime Trujillo. Ça veut donc dire que les États-Unis, eux aussi, condamnent, puisque l'OEA, tout le monde le sait, est largement dominé par Washington. Eh ben, ce n'est pas si simple. En fait, les Américains sont très embarrassés. Ils ont l'impression que c'est tout leur empire qui est menacé. À cause de la chute là, de tous ces dictateurs. Oui. Et aussi parce que les gringos sont de moins en moins les bienvenus en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il faut rappeler qu'en 1958, le vice-président Nixon y a fait une tournée catastrophique. Oui, il a été hué. Hein, et comment ça, ouais. Donc les États-Unis commencent à se dire qu'il faudrait peut-être changer de politique. Et ne plus soutenir systématiquement les régimes dictatoriaux. Oui, mais ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a Cuba. Cuba qui inquiète de plus en plus les Américains. Au départ, Cuba n'est pas encore communiste. C'est juste. Mais les idées progressistes de Fidel Castro et de ses amis ne sont guère du goût du président Eisenhower, parce qu'elles menacent les intérêts économiques américains dans l'île. Et petit à petit, les États-Unis vont adopter des mesures hostiles vis-à-vis de la Havane, par exemple, en refusant les importations cubaines de sucre. Du même coup, ils vont précipiter Cuba dans le camp communiste. Exactement. Mmh. Alors le dilemme américain est là. D'une part, ils veulent liquider la révolution cubaine au nom de la lutte contre le communisme sur le continent, ce que réclament les éléments les plus conservateurs, mais d'autre part, ils désirent aussi rompre avec un Trujillo et son régime sanguinaire. Or, ces mêmes éléments conservateurs ne veulent pas en entendre parler, au nom toujours de la défense de l'Occident. Ouais, d'accord. Je comprends que le président républicain Eisenhower soit embarrassé, mais bientôt, c'est Kennedy, le démocrate, qui va arriver au pouvoir. Mais ça ne changera pas grand-chose, hein, dans un premier temps en tout cas. Car JFK, en cette affaire, comme dans beaucoup d'autres, fera preuve d'une extraordinaire indécision. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Et revenons un petit peu en arrière, si vous voulez bien. Mm-hmm. En juin 1960, se produit un événement qui va précipiter les choses. Quoi ? Le président du Venezuela, Romulo Betancourt, démocratiquement élu à la suite de la chute du dernier dictateur, est victime d'un attentat. Or, l'enquête révèle assez rapidement que le coup vient de Saint-Domingue. Trujillo. Oui, c'est lui qui a commandité cet attentat auquel Betancourt a échappé miraculeusement. Mais pourquoi Trujillo a-t-il voulu liquider le président vénézuélien ? Eh bien, parce que Betancourt, peu avant, avait vivement critiqué la dictature dominicaine. Trujillo n'avait guère apprécié. On peut l'imaginer. Et les conséquences alors de cette tentative d'attentat ? Ben, l'OEA décide la rupture des relations diplomatiques avec la République dominicaine. Et cette fois, les États-Unis sont obligés de suivre le mouvement. Enfin. Et ils votent donc l'embargo partiel décidé par l'OEA. Trujillo est de plus en plus isolé. Mais les Américains hésitent encore, à Washington même. Il existe un puissant lobby pro-Trujillo qui s'agite beaucoup. Pourtant, il me semble, moi, que les Américains n'ont plus guère le choix. C'est vrai. Et à plusieurs reprises, des émissaires nord-américains viennent voir Trujillo. Le plus simple ne serait-il pas que le dictateur s'efface de lui-même au profit d'un homme moins voyant ? Après tout, Trujillo a de quoi vivre. Il a placé discrètement à l'étranger des millions de dollars, à tel point qu'on estime qu'il possède la cinquième fortune mondiale. Eh bien. Enfin, bref, c'est... Au fond, pour les Américains, c'est le changement dans la continuité qu'on envisage. À condition de trouver un homme capable de remplacer Trujillo. Oui, donc un homme qui pourrait perpétrer le système. Oui, car Washington veut à tout prix éviter que la République dominicaine ne devienne un nouveau Cuba. Mais le dictateur s'arc-boute. Pas question pour lui d'abandonner les rênes du pouvoir. Il est d'ailleurs persuadé qu'il est irremplaçable et que les États-Unis ne peuvent pas se passer de lui. Alors devant une telle obstination, les Américains vont se décider à employer la manière forte. Bah, et ils commencent sérieusement à l'envisager, d'autant que Trujillo multiplie crimes et provocations. Fin 1960, il fait assassiner trois sœurs appartenant à une famille très connue. Quand elle fait ? Ce sont tout simplement des opposantes. Ça suffit pour décider de leur mort. Autre provocation moins sanglante, Trujillo décide de faire sortir son pays des institutions financières internationales. De la Banque mondiale. Oui. Désormais, le dictateur peut dire « la banque, c'est moi ». Tous les organismes financiers et bancaires lui sont soumis. Inutile de vous dire qu'on assiste à un véritable pillage des fonds publics. Et Trujillo ne se rend-il pas compte que tout ça ne peut que mal finir ? Je ne sais pas. Les dictateurs ne sont pas tout à fait des hommes comme les autres. Leur propre paranoïa les aveugle. Et le fait qu'ils sont servis par des courtisans n'arrange rien. Par nature, un dictateur a toujours forcément raison. C'est trop dangereux de le contredire. Et pourtant, il y a longtemps qu'il aurait dû comprendre. Parce qu'il a commis une faute impardonnable. Allez, encore des assassinats ? Non. Non, mais il s'est attaqué de front aux intérêts économiques américains. Un vrai crime de lèse-majesté. Hainaut, rendez-vous avec X. Monsieur X l'a dit, l'attitude de l'administration américaine vis-à-vis de Trujillo a longtemps été fluctuante. Même Kennedy a tardé à se faire une opinion. Et dans son livre « La face cachée du clan Kennedy » paru en France aux éditions de l'Archipel, le célèbre journaliste Seymour Hersh révèle que dès son arrivée au pouvoir en janvier 61, JFK essaie, au moins à deux reprises, d'établir un contact avec le dictateur dominicain. La première fois, c'est à l'initiative du père du président, Joe Kennedy, dont on sait que grâce à ses relations mafieuses, il avait permis l'élection de son fils John. Joe Kennedy plaide pour que la Maison-Blanche examine favorablement l'affaire dominicaine, c'est-à-dire dans un sens favorable à Trujillo. On prévoit même une rencontre directe, quelque part en mer, entre le dictateur et le président américain, alors même, rappelons-le, que les relations diplomatiques sont rompues entre les deux pays. Robert Murphy, un ancien responsable de l'administration républicaine, est chargé de cette mission et se rend à Ciudad Trujillo. Mais une fuite alerte la presse et la Maison-Blanche doit démentir tout contact avec Trujillo. Toutefois, une nouvelle tentative a lieu au printemps 61. C'est un sénateur, George Schmoser, qui est chargé d'aller voir le dictateur à la demande de Kennedy. Il déclara en 1975 devant une commission parlementaire que le président l'avait chargé d'évoquer avec Trujillo son abandon du pouvoir et son exil. Je cite Seymour Hersh. Smother accepta, mais ne réussit guère à émouvoir l'intéressé avec qui il passa toutefois deux jours très agréables. C'était quelqu'un de très très intéressant. Lorsque nous discutions, il sortait un pistolet calibre 45 qu'il posait sur son bureau, canon pointé dans ma direction. Et voilà qu'un jour, avant... j'ai eu le temps de comprendre, j'apprends qu'il a été assassiné. Rien dans les archives ne permet de savoir pourquoi le président avait approuvé ou encouragé ses missions. La question est toutefois évidente, voulait-il donner à Trujillo une chance de s'en aller avant qu'il ne soit trop tard? De quelle façon Trujillo peut-il menacer les intérêts américains à Saint-Domingue? Mais il faut d'abord savoir, enfin, ça ne vous étonnera pas, que l'économie dominicaine est alors complètement dépendante des États-Unis. La production d'électricité, le réseau téléphonique, les chemins de fer et une bonne partie de la production sucrière sont dans les mains des Nord-Américains. Le reste étant la propriété directe de Trujillo qui a, entre autres, accaparé le tiers des terres cultivables. Mais justement, le dictateur voudrait que ça change. Dans quel sens alors? Le sens de ses propres intérêts. Bon, il en voudrait plus pour lui, quoi, c'est ça? Bien évidemment. Et en 1960, il se fait pressant et il essaie de racheter de grandes compagnies nord-américaines installées à Saint-Domingue. Des propositions d'achat qui sont repoussées par leurs dirigeants. Est-ce qu'elles ne sont pas assez généreuses? Je n'en sais rien, mais les milieux d'affaires américains n'ont nullement l'intention de se séparer d'entreprises qui leur apportent beaucoup. Donc ils refusent. Toutefois, ils savent que tôt ou tard, le dictateur reviendra à la charge et ça ne plaît guère. Question de confiance. Oui. Ce qu'on demande à Trujillo contre rétribution, bien sûr, c'est d'être le fidèle gardien des intérêts américains. Mais pas question qu'il s'en empare. Et à votre avis, ce crime de lèse-majesté, enfin, c'est vous qui l'avez appelé ainsi, va être fatal à Trujillo? Incontestablement. Le lobby américain pro-Trujillo prend peur. Le dictateur dominicain n'est plus fiable, il faut s'en débarrasser. Ce sont donc alors les milieux d'affaires qui vont pousser à la liquidation de Trujillo. C'est certain. Si Kennedy hésite encore à Wall Street, on n'a pas les mêmes scrupules. Les milieux d'affaires font donc pression sur la Maison-Blanche? Oui. Et ce qui va accélérer le mouvement, c'est le désastreux échec de la baie des cochons. Ouais, c'est-à-dire la tentative d'invasion de Cuba par des mercenaires cubains. Hein. Oui, des hommes armés entraînés par la CIA avec l'aide de la mafia. Mais quel rapport avec Trujillo? Kennedy, en assumant l'échec de la baie des cochons, a déclaré qu'il s'agissait d'éliminer la tyrannie sur le continent. Mais qui plus que Trujillo symbolisait la tyrannie? Kennedy devait donc donner des gages à ses alliés de l'OEA qui s'étaient débarrassés de leur dictateur. Toutefois, bien sûr, il n'était pas question de rééditer l'aventure cubaine. Oui. Il fallait donc agir plus discrètement, c'est ça? Et une nouvelle fois, c'est la CIA qui est chargée de la sale besogne. La pièce maîtresse du dispositif, c'est Henry Dearborn, le consul américain à Ciudad Trujillo, qui est par ailleurs le correspondant de la CIA. Depuis longtemps, il a son idée. Et dans un rapport envoyé plusieurs mois avant l'assassinat du dictateur, il a clairement indiqué que d'un point de vue pratique, il était préférable que les Dominicains en finissent avec Trujillo avant qu'il ne quitte l'île. On est fait très clair, mais ce correspondant de la CIA là, parle d'élimination du dictateur par les Dominicains eux-mêmes. Il ne faut pas que la CIA apparaisse dans cette affaire. Ouais. C'est une fiction. Les armes, par exemple, sont américaines. Elles sont arrivées à Saint-Domingue par la valise diplomatique. Et c'est encore la CIA qui a contribué à rassembler un petit groupe de comploteurs appartenant tous à l'entourage des bénéfacteurs. Et pourquoi alors? C'est vous-même qui avez utilisé l'expression tout à l'heure, le changement dans la continuité. Washington veut bien liquider Trujillo à condition que cet assassinat ne débouche pas sur une révolution. J'ajoute que l'action elle-même a été préparée et mise au point non seulement par des agents de la CIA, mais aussi par un éminent spécialiste, Rosell Lee. Rosell Lee, qui est-ce? Un important chef de la mafia nord-américaine, très impliqué dans toutes les affaires louches dans les Caraïbes et le sud des États-Unis. Une fois de plus, on constate donc la collusion entre l'agence américaine et les gangsters. Comment ça se passe? Les comploteurs sont naturellement informés des faits et gestes de Trujillo. Il aurait donc très simple de lui tendre un guet-apens. Le 30 mai 61, sur une route déserte qui mène à la capitale, La voiture du dictateur est mitraillée et Trujillo est tué sur le coup. À noter que la plupart des hommes du commando seront éliminés à leur tour. Pour éviter qu'ils parlent. Ça me paraît évident. Il ne fallait pas que la CIA soit mise en cause. Pourtant, vous affirmez que c'est la CIA qui a assassiné Trujillo, mais vous en avez la preuve. Hein. C'est un secret de polichinelle pour tous les gens bien informés. En outre, un important personnage de la Maison Blanche s'est trahi malgré lui. Qui ? Pierre Salinger. C'était le porte-parole de JFK. Hein, oui, fin mai 61, le président Kennedy est en visite officielle en France. Et c'est Salinger qui, le premier, annonce à la presse internationale la mort de Trujillo, plusieurs heures avant la radio dominicaine. C'est donc qu'il était parfaitement informé ? Par la CIA, l'agence américaine a été immédiatement avertie du succès de l'opération qu'elle avait organisée de bout en bout. Mais cette déclaration intempestive de Salinger a été une belle gaffe. Et il a dû se faire remonter les bretelles par Kennedy car c'était révélé à quel point les Américains étaient impliqués dans cette affaire. Ouais. Trujillo est donc mort, hein ? Mm-hmm. Et ensuite ? Le système demeure, enfin pour l'essentiel en tous les cas, car le nouvel homme fort de la République dominicaine, Joaquim Balaguer, est un proche de Trujillo. Il est même président de la République au moment de la mort du dictateur. Un président fantoche entièrement dévoué à son maître, mais qui se sent pousser des ailes dès qu'il apprend la mort de son mentor. Et il n'y a pas de trouble à... Saint-Domingue va traverser une période chaotique. Mais Washington veille au grain et des bâtiments américains sont envoyés au large des côtes dominicaines. Au cas où. C'est ça. Toutefois, ça n'empêche pas la transition démocratique. Une transition toute provisoire. Fin 1962, Juan Bosch, un modéré plutôt à gauche, est élu président et procède aussitôt à d'importantes réformes démocratiques. 7 mois plus tard, il est renversé par un coup d'état militaire. Ouais, les Américains sont derrière ? Ça me paraît probable. Enfin, 2 ans plus tard, les constitutionnalistes, comme ils s'appellent, c'est-à-dire les partisans du président Bosch, chassent les militaires. L'armée réagit, mais les constitutionnalistes l'emportent malgré la faiblesse de leurs moyens. Alors, une nouvelle fois, les Américains vont jouer les gendarmes. Et encore une fois, au profit des militaires ? Bien évidemment. Le président Johnson, sous le prétexte de protéger les citoyens américains présents en République dominicaine, envoie plus de 40 000 marines pour mater les constitutionnalistes. Malgré la réprobation internationale, le système Trujillo est restauré et l'inusable Balaguer, l'ami le plus fidèle du dictateur, revient au pouvoir. Il y restera de très longues années. Et encore peu, c'était toujours le parrain politique de Saint-Domingue. Au début de cet entretien, vous avez dit que les services français avaient-tu à connaître de cette affaire dominicaine ? Oui, et c'est une histoire très curieuse. En 1965, je vous l'ai dit, le débarquement américain à Saint-Domingue soulève une intense réprobation dans le monde entier. Et le général de Gaulle n'est pas le dernier à condamner cette intervention militaire massive et disproportionnée, si l'on considère qu'il s'agissait officiellement de protéger quelques dizaines de citoyens américains. Une autre réaction de Gaulle m'eût étonné. Et la CIA aussi avait prévu que le général condamnerait les États-Unis. Et il en a profité pour se livrer à une véritable manipulation. De quelle nature ? Il s'agissait à la fois de discréditer de Gaulle en le poussant à l'outrance et de provoquer une véritable fêlure à l'intérieur du mouvement gaulliste. Une fêlure ? Oui, entre pro-américains et anti-américains. Alors, expliquez-moi comment les Américains ont procédé, alors. Ils ont poussé à la création d'un comité France-République dominicaine auquel ont immédiatement adhéré plusieurs personnalités de gauche et des gaullistes. Ce comité a ensuite fait solennellement appel au président de la République pour qu'il intervienne en faveur des constitutionnalistes. Ouais. Pas militairement, quand même. Bien sûr que non. Mais sur le plan humanitaire, par des envois de vivres, de médicaments, de secours divers, etc. Un bateau de la marine française battant pavillon de la Croix-Rouge devait violer le blocus imposé par les États-Unis et ravitailler le camp des constitutionnalistes. Mais le clou du clou, c'était d'accueillir à bord de ce bâtiment le président Bosch, exilé à Porto Rico. Et ça aurait été grâce à De Gaulle que le président dominicain, légitimement élu, aurait pris pied dans son pays. Exactement. Et l'idée a dû incontestablement séduire le général. Mais au dernier moment, De Gaulle a reculé. Pourquoi ? L'opération était risquée. Elle aurait encore envenimé nos relations avec Washington. Donc, De Gaulle a refusé. Mais peut-être que lorsque les services lui ont appris qu'il se trouvait derrière ce qui n'était qu'une manipulation, il lui a été plus aisé de prendre une décision. Vous prétendez donc que vous aviez, enfin dans les services, que vous aviez découvert l'implication de la CIA ? Je crois que j'étais assez clair, non ? Étrange affaire, en vérité. En tout cas, si vous désirez en savoir plus sur l'histoire récente de la République dominicaine, je vous conseille la lecture de l'ouvrage de Lauro Capdevila, La dictature de Trujillo, paru en 1998 aux éditions de l'Harmattan. Tout à fait autre chose. Je voudrais vous signaler la récente parution d'un mémoire sur l'espionnage à l'université Pierre Mendès France de Grenoble. Son auteur, Benoît de Mongeau, y consacre une longue et perspicace étude à Rendez-vous avec X. Ce mémoire est disponible à la consultation au centre de documentation de l'Institut d'études politiques de Grenoble à Saint-Martin-d'Air, avec une courte notice sur le catalogue en ligne de la Bibliothèque universitaire droit lettres de Grenoble, homer.upmfgrenoble.fr. Je répète, homer.upmfgrenoble.fr, ainsi qu'au centre des archives départementales de l'Isère à Grenoble. À samedi prochain, et je vous rappelle que si vous voulez réécouter cette émission, vous pouvez le faire sur notre site internet franceinter.com.